Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la manette au débat, une émission qui vous est présentée par le site Causons Pixel qui a pour but de réfléchir sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, nous retrouvons Florian. Salut. Victor. Bonjour. Et Théo revient parmi nous. Et bonjour aussi. Alors, De la manette au débat, c'est une émission évidemment qui est écoutable sur PodCloud ou alors sur n'importe quelle application de podcast comme Podcast Addict. Ou tout autre chose. Alors, en sortie de Causons Pixel, ce mois-ci, eh bien, nous avons eu le documentaire sur les boutiques indépendantes de jeux vidéo. Quel avenir pour elles, pour ces boutiques dont l'industrie semble eh bien, inexorablement les pousser vers la sortie. En complément, vous avez aussi une ouverture sur les librairies indépendantes et elles expliquent comment celles-ci arrivent à survivre et aussi elle fait un lien évidemment avec les boutiques de jeux vidéo parce que certaines difficultés sont similaires. En deuxième chose, eh bien, nous avons l'article de la critique de jeux vidéo et de son traitement où justement ce podcast s'en fait le prolongement, nous allons y venir dedans. Eh bien, on écrit sur le fait que est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose à cette critique ? Est-elle finalement, alors c'est un peu provocant, mais est-elle finalement une critique? Mais bon, ça, nous allons y venir et nous allons en débattre avec nos chroniqueurs. Alors avant de commencer, évidemment, on va faire une petite introduction et on va pouvoir y aller. La critique de jeux vidéo est liée au journalisme de jeux vidéo. Quand elle parle de l'art dont elle se fait la parole, ses papiers ne sont pas nommés critiques, mais tests. On décrit beaucoup le jeu, mais aussi on singe parfois un dynamisme adolescent, on se part de l'attitude bon enfant, quand en plus de cela, elle ne rend pas service à des éditeurs de jeux pour rester dans leur bonne grâce. Alors la critique de jeux vidéo est-elle vraiment une critique? Avant de commencer, messieurs, eh bien on va faire comme avec la politique dans le jeu vidéo, on va juste revenir sur la définition de base de critique, et évidemment, interrompez-moi hein, si vous avez quelque chose à rajouter entre-temps. J'ai pris la définition qui vient directement du Larousse. Alors critique, en définition, nous avons porté sur quelqu'un quelque chose, un jugement défavorable, en faisant ressortir les défauts, les erreurs, etc., blâmer, désapprouver, censurer, condamner, se faire critiquer pour sa négligence, en exemple. Et le deuxième sens qui, je pense, va nous intéresser beaucoup plus, et celui-ci, porter sur une œuvre littéraire ou artistique, un jugement, l'examiner en détail, en faire la critique. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter pour l'instant, messieurs ? Non, je suis plutôt d'accord avec la deuxième. Mais critiquer un objet avec une valeur artistique, ou du moins esthétique, n'est-il pas aller du côté de la critique d'art, dans le cadre du jeu vidéo, normalement ? Et si oui, alors d'où vient la critique d'art? Je ne sais pas si vous avez à peu près regardé d'où est-ce que peut venir cette critique. C'est une très longue histoire, si on doit s'y intéresser. Ouais, alors j'en ai... alors, bah, vas-y, Théo, perso, j'en ai fait un petit résumé. Oh, vas-y, je vais devoir parler. Comment ça? Bon, bah pareil, interromps-moi si tu vois que je sors des âneries. Alors, la critique d'art connaît un essor vers les années 1660 à peu près, et a suivi la création du concept de salon de peinture avec la création de l'Académie de peinture et de sculpture. Les salons feront l'objet donc de commentaires, notamment dans le Mercure Galant en 1676, et on y retiendra notamment Denis Diderot en commentateur, avec plus tard l'abbé Dubot qui marquera un véritable tournant dans la pensée esthétique. En effet, parce que l'abbé Dubot avait dit que l'art devait remuer les cœurs, devait vraiment faire naître des émotions. Alors, pour grossir le trait, on fait un grand saut dans le temps avec le 19e siècle. À cette époque-là, c'est surtout des écrivains qui écrivent des commentaires et ça s'affirmera avec Émile Zola et sa chronique Mon Salon, qu'il se verra d'ailleurs retirer après la défense d'un tableau de Manet. Il me semble que c'était Olympia. Il prenait la défense, selon les mots de Zola, des laissés pour compte. Il dira même dans sa dernière chronique, j'ai défendu Monsieur Manet comme je défendrai dans ma vie toute individualité franche qui sera attaquée. Je serai toujours du parti des vaincus. Alors, vite fait, c'était une chronique. Émile Zola avait un style très très véhément pour l'époque et même encore à l'heure actuelle. Et pour vous donner un exemple de la qualité d'écriture d'Émile Zola, ça, a priori, l'histoire littéraire est au courant. Mais juste pour la véhémence de son propos, ce sont les trois derniers courts paragraphes. Alors, j'ai montré une ignorance crasse parce que je n'ai pas partagé les opinions des critiques assermentées et que j'ai négligé de parler du raccourci de ce torse, du modelé de ce ventre, du dessin et de la couleur des écoles et des préceptes. Je me suis conduit en malhonnête homme, en marchant droit au but, sans songer au pauvre diable que je pouvais écraser en chemin. Je voulais la vérité, et j'ai eu tort de blesser les gens pour aller jusqu'à elle. En un mot, j'ai fait preuve de cruauté, de sottise, d'ignorance. Je me suis rendu coupable de sacrilège et d'hérésie parce que, las du mensonge et de médiocrité, j'ai cherché des hommes dans la foule de ces eunuques. Et voilà pourquoi je suis condamné. Ce fut la dernière critique d'Émile Zola. C'était la critique. Ah, c'est pas étonnant. En fait, ça, c'était vraiment sa dernière critique lorsqu'il a appris qu'il allait devoir quitter sa rubrique Mon Salon. Après cela, il faut attendre la fin du 19e siècle pour que le critique soit un journaliste spécialisé. La figure du critique d'art est aussi liée au surgissement d'un art moderne et de l'avant-garde qui allait à l'encontre de l'académie, et des traditions. Je fais encore un saut dans le temps pour vous parler de la naissance de la critique de cinéma par Émile Vuillermoz, qui en la fondant en 1916 voulait une critique indépendante avec des réflexions subjectives. Dans son texte Manifeste pour une critique du cinéma, il fustige les comptes rendus à l'industrie, il fustige ses communiqués rendus à l'industrie. Il postule dans la critique qu'il veut fonder un guide du public pour ne pas lui faire gaspiller son temps, que le cinéma passe, entre guillemets, un contrôle qualité. À cause de la profusion des films, il y a une volonté aussi de légitimation culturelle du cinéma. D'ailleurs, les premières critiques de Vuillermoz seront diffusées dans le magazine Le Temps, qui était un grand magazine de l'époque. Et donc, ceci a contribué, évidemment, à légitimer le cinéma comme un art, en plus des critiques qui allaient venir. Bref, quelques années plus tard, cela nous donne des prises de position avec le cinéma, comme avec la Nouvelle Vague, qui est partie d'un mouvement de critique cinématographique né dans la revue Les Cahiers du cinéma. Ou encore, bien plus tard, nous avons la lettre de Martin Scorsese sur les films de super-héros. La critique a pris des positions. Elle a changé parfois la vision d'un art entier. Et c'est peut-être grâce aux efforts de Zola que l'on étudie Manet, grâce aux efforts de Vuillermoz que l'on parle de cinéma, et grâce aux efforts de la Nouvelle Vague que l'on fait le cinéma différemment. Messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter ? Sur ton histoire, là, moi, c'est en dehors de mes compétences. C'est un très bon résumé, je pense. De toute manière, je pense que le sujet de la critique sera ce qui sera discuté dans son ensemble par définition quand on parle de la critique du jeu vidéo. Donc de toute façon, on aura le temps d'y revenir. C'est ça, parce qu'en fait, en faisant cette espèce de très gros résumé de la critique d'art, c'est aussi pour montrer d'où vient cette volonté de critique, on va dire, du jeu vidéo, d'où vient la critique du jeu vidéo. Parce qu'il me semble d'ailleurs que le mot test est une sorte de déplacement par rapport au mot critique. Et d'ailleurs, c'est la question que je vous pose, messieurs, est-ce que le test est une critique ? Pourquoi un test ? Est-ce que test égale critique, d'après vous ? Selon les gens, oui. J'imagine que... Enfin, je sais pas, hein, mais j'imagine que ce qui a dû émerger en premier, c'était les tests avant d'être des critiques, parce que... les jeux vidéo, au début, ils valaient super cher. Et il y avait très peu de moyens de vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, les tests avaient pas mal d'importance pour au niveau de la liberté du consommateur. Et du coup, je pense que déjà, la perception de jeux vidéo en tant qu'art est beaucoup plus récente que toute l'histoire des playtests. Moi je trouve que le mot test est un mot qu'on applique habituellement à des objets, en fait, des objets technologiques ou autres. Et quand on dit on teste un jeu, je trouve que ça évoque plus ce sens-là, le jeu vidéo comme objet technique. Et on essaye de porter un regard technique sur le jeu. Mais du coup, ça occulte en fait cette dimension artistique. Je pense que c'est une question qui est d'autant plus épineuse que si on disait que le mot test n'avait aucune utilité ou qu'il était qu'il desservait le regard sur le jeu vidéo, ce qui est un point de vue qu'on peut tout à fait défendre, il faut quand même prendre en compte le fait que de toute façon, une critique de jeu vidéo passe par le fait d'y jouer et donc nécessairement d'en faire l'expérience. Et vu que le test à avoir avec cette expérience, il souligne l'expérience qui est faite du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est un objet avec lequel on a une interaction, ce qui n'est pas le cas, disons, au premier degré, dans le reste de la critique qui a eu lieu jusqu'à présent, et dont les catégories sont généralement des catégories qui sont en lien avec la contemplation, par exemple. Typiquement, les catégories qui sont assez connues dans la critique qu'on retrouve chez Burke, par exemple, et puis chez Kant, après, c'est le beau et le sublime, qui sont deux catégories dont je vais pas totalement les définir, mais le beau et le sublime sont deux catégories qui peuvent s'opposer, mais qui ont à voir avec un spectacle qui s'offre à nous. Et dans le jeu vidéo, on n'est pas juste devant un spectacle qui s'offre à nous. On peut considérer que c'est essentiellement un spectacle plus de l'interaction, si on veut. Mais enfin, effectivement, le sens de la critique est encore un petit peu plus problématique par rapport au test. Mais c'est un choix qui, par exemple, pourrait davantage avoir des connotations. Typiquement, quand on dit un test, effectivement, on pense spontanément plus à un test de qualité. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, bon, maintenant, ce modèle-là a largement été dépassé, mais pendant très longtemps, et notamment sur le site judo.com, tu avais... À la fin, pour résumer le test, la note des graphismes, de la musique, etc. Enfin, tu vois, c'est-à-dire des points qui se veulent concrets, qui se veulent objectifs. Et en fait, ça s'arrêtait là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'approche du précurseur, là, de la critique de cinéma, il se voulait faire le tri entre les bons et les mauvais films et essayer d'indiquer. Les films qui méritent d'être vus de la part des spectateurs face à l'abondance des productions. Alors, personnellement, je ne lis que Gamekult, hein, principalement, comme site, donc je ne peux parler que d'eux. Mais eux se posent comme principalement guide d'achat. Leur approche du test, c'est ça. C'est essayer d'avoir cette lecture un peu technique, un peu objective du jeu, pour savoir si le jeu est correct dans ce sens-là. Ses forces et faiblesses, et essayer d'identifier comme ça à qui pourrait s'adresser le jeu. Par exemple, ils ont cette nuance d'un jeu qui pourrait avoir une note moyenne et qui serait réservé vraiment aux gens qui connaissent ce genre-là ou qui connaissent la série, pour qui, pour eux, ils savent très bien qu'ils pourront faire des concessions. Par contre, le tout venant, peut-être que ce serait peu souhaitable qu'il y aille comme ça à ce jeu-là. Peut-être qu'il y a d'autres jeux qui sont un petit peu plus accessibles. Mais eux se posent comme ça, comme guide d'achat. Et d'ailleurs, ils n'ont de cesse que de faire des guides d'achat sur le top 10 des jeux ou les meilleurs jeux d'aventure sur Switch, etc. pour essayer de donner des indications sur les jeux à retenir ou autre. Et donc là, on retrouve cette position-là d'un des premiers critiques de cinéma. Et il me semble qu'il s'arrête qu'à ça, Gamekult. Oui, mais c'est... Je trouve qu'effectivement, le cœur du sujet, c'est effectivement de savoir, pour ainsi dire, comment a été rendue utile la critique ou le test. Parce que maintenant, comme tu le dis, effectivement, si tu vois une critique de cinéma, la majorité des critiques de cinéma sur lesquelles tu vas tomber, si on accepte les vlogs et autres modes plus modernes, de toute manière, toutes les critiques sur lesquelles tu vas tomber seront des formes de guide d'achat. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on délègue à une partie de l'industrie culturelle, qui est la partie des critiques, on leur délègue la mission de chercher dans la masse de produits qui nous arrivent, ce qui a une valeur d'usage ou pas, et ouais. Une valeur d'usage artistique. Du coup, dans le jeu vidéo, il est... Peut-être même que le jeu vidéo a accéléré un mouvement qui était déjà là, Mais enfin, on ne peut pas de toute façon le prendre à ce compte-là, pour le coup, dans une unicité qu'il aurait, puisque de toute façon, y compris pour les livres, par exemple, pour les rentrées littéraires, on a des critiques qui sont là pour nous aiguiller sur ce qu'il faut lire. Ouais. Typiquement, par exemple, une anecdote qui est assez drôle, c'est Houellebecq, qui, après avoir gagné le Goncourt avec, avec La carte et le territoire, dit qu'en fait, il voulait gagner le concours parce que sa grand-mère, lorsqu'elle était, lorsqu'elle lisait des livres encore, pouvait seulement lire, enfin, ne voulait lire que les livres qui avaient gagné le Goncourt. D'accord. Donc, Houellebecq dit, de toute façon, il y a des gens qui lisent que le Goncourt, c'est à ces gens-là que, enfin, c'est en gros que j'écris ce livre, quoi. Ouais. Et là, on voit effectivement qu'il y a cette, un problème fondamental, qui est le problème du tri, auquel répondrait la critique, mais effectivement qu'elle elle y répond comme un test technique, à savoir ce produit est-il fonctionne-t-il, est-ce qu'il fonctionne comme, comme entendu. Tout à fait, et c'est sans doute la position qui développe le plus, cette position de curateur, GK, avec différents types d'articles, différents types de vidéos, où ils essayent comme ça de faire à minima découvrir et s'ils peuvent écrire des previews, des tests ou autres de jeux qui sortent notamment. Enfin, la question se pose par rapport à la scène indépendante, avec tout ce qui sort. Oui. Il est nécessaire que des gens aient ce temps-là pour observer un peu de manière générale ce qui sort et qu'est-ce qui vaut plus le coup que d'autres. Dans cette position de critique, moi, il me semble que GK, mais je pense que une grande partie des grands sites généralistes endossent quasiment uniquement que cette position-là. Ce qui est problématique pour une raison très simple, c'est que si vous allez sur Steam et que vous regardez le nombre de jeux qui sont dessus, vous regardez en fait des algorithmes. Et ceux qui se chargent de faire le tri pour la majorité des gens, ce sera moins forcément les critiques que les algorithmes. Oui. C'est-à-dire que... et même pour les vidéos YouTube ou autres formes ou les résultats que vous allez trouver sur Google. Les critiques elles-mêmes sont soumises à un algorithme qui, dans le fond, est la force agissante qui fait cette sélection préalable. Mm. Donc finalement, les critiques sont... Si l'utilité de la critique, ce qui est quand même le cas, hein, de toute manière, mais si l'utilité de la critique est essentiellement de savoir ce qui est utilisable, ce qu'il faut regarder et ce qui n'est pas très intéressant... Ben, ça risque d'être pris de court assez rapidement par la simple utilisation numérisée, enfin, les résultats d'utilisation qu'on connaît, quoi. Ben, ce qui les sauvera à jamais, enfin, pour l'instant, ce qui les sauve, c'est l'existence de salons plus ou moins professionnels, enfin, plus ou moins ouverts au public, et dans lesquels ils peuvent découvrir des jeux, souvent un peu par avance, qui leur permet d'avoir accès à ces informations-là que même le joueur derrière son PC ne pourrait pas avoir. Mais ça, c'est jusqu'à temps que les salons continueront d'exister. Pour essayer de revenir vraiment sur la critique en elle-même, là, tout à l'heure, vous avez parlé de la critique littéraire. Vous avez fait aussi un lien avec la critique cinéma, qui a un peu, comme l'a dit Vuillermoz, un peu qui est une question, on va dire, pas d'ordre public, j'ai perdu le mot, mais enfin bref. D'utilité, merci, public. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'approche de la critique que le déplacement vers test confirme? Alors, et là, c'est là où je vais pouvoir vous poser une autre question, mais avant cela, il faudrait peut-être aborder la question de la notation. Mmh. Il est plus aisé de trouver des critiques cinématographiques, qui ne notent pas, bien que certains aient des étoiles et tout pour rendre service au public qui a la flemme de lire. Il est beaucoup moins aisé, par contre, de trouver des tests de jeux vidéo qui n'ont pas de notes. Le trois quarts des... Bon, en fait, la quasi-totalité des magazines de jeux ou de la presse en ligne de jeux vidéo dispose d'une notation. Or, autant là où on essaye de revendiquer un petit peu, de légitimer justement le jeu vidéo, la question de la notation ne renverrait-elle pas justement à quelque chose de plus encore prosaïque, j'ai envie de dire? Bah, c'est un peu là où j'allais tout à l'heure. C'est que dans l'idée de test par rapport au jeu vidéo, finalement, on teste en présupposant, parce que c'est ça, finalement, l'idée du test, c'est qu'on présuppose qu'il existe une utilité prédéfinie, une utilisation prédéfinie, et surtout, du coup, un canon, un outil qui nous sert à évaluer la qualité de quelque chose selon des standards qui sont prédéfinis, et que tout ça est déjà prédéfini. Dans le jeu vidéo, ce serait, on en a déjà parlé, on en parle suffisamment souvent, ce serait le fun, entre autres. Donc dans le test, ce qu'on teste finalement, c'est le fun. On pourrait imaginer une dystopie qui pourrait arriver assez rapidement, dans laquelle on mesure le taux d'hormones, typiquement de dopamine, et par ailleurs d'adrénaline, par exemple, qui sont produites dans un test de jeu, on dit voilà mes résultats. Ça un super. Quelque part, on n'est pas très loin de ça. Et de toute façon, ce serait un petit peu le résultat que beaucoup de gens, je pense, chercheraient dans une critique de jeu vidéo. Je pense qu'on n'est pas si loin de ça. Typiquement, la notation permet d'avoir une sorte d'appréciation pseudo-scientifique, de savoir quelle est la valeur de jeu par rapport à des standards qui existent déjà. Ce qui est le contraire, je passe juste à ça, ce qui est le contraire de l'appréciation qu'on donne à la critique dans la modernité. Puisque la critique, dans l'étymologie, c'est critiquer, donc c'est plutôt une sorte de discernement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend l'œuvre, beaucoup plus que de savoir si elle est bonne ou mauvaise, même si ça joue. La critique, comme tu disais tout à l'heure, et comme le dit... comme pourrait le dire Zola, mais comme le dit Baudelaire, par exemple, j'ai une petite citation là, « La critique doit, pour être juste, être partiale, passionnée, politique, c'est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais un point de vue qui ouvre le plus l'horizon. » En d'autres termes, c'est l'idée que la critique doit être, pour ainsi dire, ultra-subjective, mais subjective dans un sens qui justement est une forme d'innovation du sens que l'on donne à une œuvre et de la portée de l'œuvre, ce qui est le contraire d'un standard avec la mesure du fun qu'on pourrait présupposer en tout cas. Eh bien, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, ça rejoint justement la question que je voulais vous poser, qui est plutôt la suivante, finalement, parce qu'on n'a pas terminé encore, mais la critique de jeux vidéo ne manque-t-elle pas de style ou de volonté d'être autre chose que de la description? Pourquoi n'ose-t-elle pas plus? Et là, ce que tu viens de dire avec Baudelaire, c'est en principe ce vers quoi Zola tendait dans ses critiques de Mon Salon. Il était très partial, il essayait de donner plus de visibilité à ses peintres qui n'en avaient pas. À l'époque, Manet n'était pas beaucoup aimé à l'époque de Zola. Et donc, pourquoi la critique de jeux vidéo, enfin, cette espèce de test-là, ne va pas plus loin, ne pose pas justement fièrement sa position? Parce que j'ai l'impression quand même, peut-être que je me trompe, mais que globalement, la critique de jeux vidéo erre dans la même pièce. On ne prend pas trop position. Où sont passés, par exemple, les manifestes du jeu vidéo? Ou les plaidoyers? Les appels à l'art? Après, je trouve que vous avez une vision un peu... je sais pas comment dire, un peu dépassée des priorités économiques aujourd'hui, peut-être. Dans le sens... C'est-à-dire où, dans le sens où... vous envisagez la critique peut-être trop d'un point de vue artistique, alors que les magazines, par exemple, de jeux vidéo actuels ou enfin tout ce qui voilà tous les journalistes amateurs ou professionnels autour des jeux vidéo font avant tout de la critique, parce qu'il y a un public, parce qu'il y a une demande, enfin sont quand même beaucoup influencés par cette demande dans leur contenu, je pense. Du coup, pourquoi il y a des chiffres? D'un côté, il y a la dimension un peu scientifique, magique, performative de quand tu mets un chiffre, c'est plus réel, mais surtout, ça permet de scroller, de faire défiler toute la page de la critique pour voir quelle est la note et si on décide de l'acheter ou pas, quoi. parce que je pense que la plupart des critiques aujourd'hui sont absolument pas lues et on se contente juste de regarder le chiffre. On se fait une idée en fonction de la revue que c'est, si c'est des gros vendus ou pas, quoi. Ou quelle est la ligne éditoriale du truc. Et à partir de là, en tant que consommateur, eh ben, on commence déjà à se faire une opinion sur le truc. Et je pense que le milieu, il réfléchit pas du tout en termes artistiques, mais en termes de vente, de production, de qu'est-ce qui va attirer le public. Oui, c'est pour ça que je parlais d'industrie culturelle tout à l'heure. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. De toute façon, les catégories dont on a discuté de la critique, finalement, ce sont les lettres qui ont posé la définition de la critique comme quelque chose qui se rapporte à un art ou un grand art. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, tout ça n'est qu'une question, sociologique, puisque la critique n'a de valeur que si on a décidé qu'elle en avait et qu'on en a une utilité particulière. Si la critique existe encore aujourd'hui dans des formes dont on a discuté tout à l'heure, et typiquement je pense qu'elles existeront beaucoup plus dans le monde littéraire ou dans le monde de l'art contemporain, c'est parce que dans ces deux milieux, la valeur d'un produit n'est pas déterminée de la même manière, et elle est déterminée à partir justement de combien est-ce qu'on peut mettre de sens dans l'œuvre, quelle est la portée de l'œuvre, et du coup combien est-ce qu'elle peut valoir finalement, parce que de toute façon, elle sera rattrapée par la question de la valeur économique, au minimum. Oui. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Mais ça, ce que tu dis, Théo, justement, c'est parce qu'il y a des critiques derrière qui ont essayé de faire valoir cet objet-là, le domaine voulu comme objet artistique. Rappelons-nous Vuillermoz, qui voulait légitimer le cinéma. Il ne voulait pas que ça soit simplement quelque chose comme ça que l'on consomme bêtement. Il voulait en faire certes quelque chose d'utilité publique, mais il y avait surtout derrière sa démarche dire le cinéma est un art. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fera dans la suite de sa carrière de critique. De toute façon, dans une des premières définitions que tu as données, tu as prononcé le mot d'esthétique, qui est un sujet dont la philosophie de l'art se saisit. Et je te rejoins, Victor, oui, effectivement, on en appelle à un test ou à une critique qui commence à essayer d'aller au-delà juste de l'état des lieux factuel pour essayer d'apprécier cette autre chose, cette autre dimension, alors qu'on peut dire esthétique, artistique, tout ce que tu veux. Et je pense que la finalité de cette démarche-là, c'est avant tout, et je crois que c'est toi Théo qui l'a dit, c'est pour comprendre en fait l'œuvre, pour comprendre l'œuvre et son intention. Parce que comprendre une œuvre peut te permettre de l'apprécier, à mon sens. Après, pour arriver à développer cette dimension-là, cette approche-là du jeu vidéo, ça ne peut pas passer sans une certaine théorisation du jeu vidéo. Si tu n'as pas un cadre qui te permet de recevoir le jeu vidéo que tu es en train de jouer, un cadre qui te donne des concepts, qui te permet d'associer ou de relier les choses que tu vois, que tu observes, ça va être difficile. Mais je vais illustrer ce propos-là. On prend un jeu comme Monster Hunter, par exemple, qui est un jeu, un action RPG où on chasse des monstres. Alors, c'est plus vrai dans les jeux avant Monster Hunter World, mais dans Monster Hunter World, ça reste encore présent. Mais dans les jeux de la série avant le World, c'est un jeu qui est très, de premier abord, assez fastidieux à jouer. Le personnage se déplace généralement lentement. Les armes qu'on utilise, alors pas toutes, parce qu'il y a des armes qui sont assez rapides, comme les doubles lames, mais si vous prenez par exemple la grande épée, les coups sont très lents. Bon. Ils ont quand même l'avantage de, quand on place le coup, quand même. Allô ? Ah, je crois qu'on a... Les monstres, et les monstres nous dépassent tellement de puissance que Attends, c'est Flo, erreurs qui peuvent être très fatales. Flo, je crois que tu... Mais du coup, c'est un jeu qui a un... Ouais. Flo, tu as coupé. Je sais pas si vous avez entendu la coupure aussi, ouais, mais... Ouais, t'as grave coupé. Vous m'entendez? Ouais, oui. Non, là, je disais Monster Hunter, qui est un jeu qui, de premiers abords, est un jeu qui est très austère et qui est assez lent dans ses déplacements, dans les coups qu'on donne avec les armes, pas toutes, mais la majorité. Et donc, si jamais on a juste ce point de repère qui est le fun, bah, jouer à un jeu comme ça, qui est assez lent, assez poussif, avec beaucoup d'inertie, c'est un peu l'opposé du fun, où le fun, c'est plutôt raccroché à des notions d'immédiateté, de dynamisme, de rapidité. Monster Hunter est à l'opposé de ça. Mais les créateurs ont une intention, et en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est que chaque coup est un risque. Donc, il faut savamment apprendre le comportement du monstre que tu affrontes pour pouvoir placer les coups au bon moment. Et tout ça contribue d'essayer de vraiment te faire ressentir l'ampleur du combat. Tu n'affrontes pas un dragon, toi, humain, avec ta grande épée, comme si tu désinguais un herbivore. Enfin, voilà, tu te mets au risque d'affronter un tel monstre. Et donc, c'est retranscrit par cette manière-là d'avoir fait ce gameplay-là, parce qu'ils auraient pu faire un jeu très rapide, très dynamique, comme dans des beat'em all, par exemple dans Devil May Cry ou autre. Ils ont choisi de faire l'inverse. Mais c'est vraiment pour faire ressentir l'ampleur et le danger du combat. Mais pour arriver à comprendre ça et à l'apprécier, il faut juste sortir de la lecture purement objective. Quand tu entends purement objective, tu sous-entends purement objective par rapport à la définition du fun qui veut que les jeux soient rapides et avec, je ne sais pas, par exemple, un maximum d'informations à renvoyer aux joueurs. Oui, moi, il me semble que quelque chose que généralement on caractérise de fun, c'est quelque chose qui répond, qui a cette notion d'immédiateté, de dynamique. Okay. Je ne sais pas si spontanément tout le monde va dire oui, se déplacer lentement dans un jeu, c'est fun. Il n'y a qu'à voir les Walking Simulator, à quel point ils sont dépréciés, parce que généralement le rythme est très lent. En plus, l'action est au plus simple. Et je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le discours sur les Walking Simulator, mais il y a quelques années, on disait que ce n'est pas des jeux, tu vois. Ouais. Et il me semble que le fun est raccroché à ces valeurs-là positives, tu vois. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu sembles dire, c'est que tu demandes, ça reste toujours dans la question posée, pourquoi pas plus d'engagement de cette critique du jeu vidéo, parce que le test est la critique du jeu vidéo, mais semble se rattacher, donc, comme nous l'avons dit, à des choses plus matérielles. Mais pourquoi cette critique du jeu vidéo, en gros, ne s'engage pas plus au niveau de l'esthétique? Tu as parlé de Monster Hunter où, pour apprécier le jeu, il faut un peu plus s'en dégager, par exemple. Après, on aurait pu prendre plein d'autres exemples et essayer, pourquoi pas même, si ça doit être spontané, mais de postuler un certain jeu vidéo, comme par exemple, pour prendre un exemple concret, les cahiers du cinéma, dans leur critique, postulent un certain cinéma. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans l'histoire de la critique, ce certain cinéma, dans les années 50-60, je ne me souviens plus trop des dates, Théo, dis-le-moi si je me trompe, la Nouvelle Vague a postulé donc ce certain cinéma, et ça a donné par la suite eh bien, François Truffaut, Jean-Luc Godard, etc. etc. Ouais, c'est bon les dates, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais j'ai dit que c'était bon. Mais justement, c'est là où j'allais tout à l'heure, c'est-à-dire que la position du critique d'art n'a cessé d'évoluer, déjà parce que le métier de critique d'art, comme tu le rappelais, finalement, c'est les salons, au départ, parce que si on ne fait que critique d'art, au départ, on est quand même dans une position un peu étrange. C'est-à-dire, et c'est toujours, si je puis dire, le stigmate qui existe quand on parle de critique d'art, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est de dire, toi tu critiques, mais est-ce que tu fais de l'art? Non, moi je fais de l'art. Donc, quelle est ta légitimité? C'est à un niveau tout à fait basique, c'est un petit peu le réflexe qui va se dégager. Mais en fait, la différence, par exemple, arbitrairement, qu'on pourrait dire entre le test et la critique, ce serait tout simplement que la critique tend ou partage une certaine appréciation de la théorie globale de l'objet qu'elle décrit, ce qui n'est certainement pas le cas d'un test dans l'imaginaire collectif. Ouais. Donc, oui, et puis de toute façon, est-ce qu'il y a une théorie globale du jeu vidéo ? Est-ce qu'il y en a une ? Parce que autant... Je pense qu'il y en a tout de même, puisque les game designers, normalement, généralement, ont une définition du jeu vidéo et de ce qu'il doit être. Oui, d'accord. Mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été largement diffusé ? Est-ce que tout le monde est au courant ? Parce que oui, on sait qu'il y a beaucoup d'études, notamment dans les pays anglo-saxons, les gender studies, tout ce que tu veux, même au niveau du game design. Mais par exemple, au cinéma, il y a plein de petits procédés narratifs ou techniques que des gens ont déjà entendu parler, ne serait-ce que par rapport aux chaînes YouTube qui les divulguent. Mais est-ce que dans le jeu vidéo, c'est le cas, par exemple ? Est-ce que quand tu lis un test, tu as les journalistes qui font référence justement à la théorie du jeu vidéo pour analyser un point important du jeu ? Bah non, mais lis une critique sur Allociné, tu verras comment ça se passe. Enfin, je veux dire, justement, cette appréciation théorique de l'objet, je pense qu'elle existe tout à fait dans le jeu vidéo à l'heure actuelle, c'est juste que essentiellement son utilisation sociale est à peu près inexistante, mais je pense que c'est vrai dans le cinéma à raison aussi, même dans la littérature, hein, je pense que la majorité des critiques ne sont pas nécessairement dans une appréciation globale et théorique de leur objet. Je pense que c'est des choses qui sont rares. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on est dans une question quasiment sociologique en réalité. Je ne crois pas que la majorité des gens vont au cinéma pour apprécier le progrès du médium de l'art cinématographique. Je pense que beaucoup de gens y vont pour éprouver des grandes émotions et voir du grand spectacle. Et c'est une utilisation particulière du médium. Dans le jeu vidéo, je pense que c'est à peu près similaire. La différence étant que le cinéma en France, d'ailleurs, pas forcément dans le monde entier, est pris en charge de manière institutionnelle partiellement. Donc elle a effectivement cette aura de produits culturels sérieux. Et ça, c'est venu justement parce qu'on a beaucoup postulé le cinéma comme art, à la différence du jeu vidéo, où lorsque on lit les tests, on n'a pas l'impression d'avoir un objet culturel qui pourrait être autre chose qu'un objet que l'on touche. Oui, tout à fait. Pour moi, la question va jusqu'à... Enfin, pour moi, il faudrait presque arriver jusqu'à dire est-ce que vraiment les utilisateurs de jeux vidéo voudraient, souhaiteraient, s'intéresseraient à ce que le jeu vidéo devienne un art ? Oui, ouais, je suis d'accord. Je ne suis pas tout à fait sûr. Oui ? C'est juste pour dire que je suis d'accord. Désolé. Non, mais enfin, disons que dans l'utilisation moderne des produits culturels, dans l'industrie culturelle dont je parlais tout à l'heure, qui est un concept intéressant pour penser ces choses-là, mais je crois que justement, non seulement les utilisateurs n'en demandent pas tant au jeu, qui n'a pas une utilisation finalement si poussée que ça dans sa globalité, bien sûr qu'il y a plein de gens qui s'intéresse à la partie théorique du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a quelques gens qui ont joué Death Stranding quand même, mais à part ça, ce qu'il y a, c'est que le critique ne peut de toute façon que répondre à cette fameuse demande, pour ainsi dire, de critique, et donc il répond à cette demande qu'on a déjà bien décrite de est-ce que c'est fun, est-ce que c'est pas fun, etc. Mais son existence aux critiques, elle tient justement qu'à un fil, en fait. Ce qui est vrai dans à peu près toute forme de milieu artistique, mais dans le jeu vidéo, c'est d'autant plus important que le critique est de toute façon constamment accusé, parfois à raison en plus, d'avoir été payé pour donner une bonne critique du jeu. De toute façon, si tu ne donnes pas de bonne critique du jeu, on ne t'envoie pas les jeux en accès prioritaire. Enfin, on est dans un système justement bien rodé de production, dans lequel le critique il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, sauf s'il fait ça de manière purement non lucrative que son seul intérêt, pour ainsi dire, c'est justement cette question théorique. En fait, ce que tu dis, c'est qu'en gros, l'industrie, l'économie du jeu vidéo et tout ce qui est donc marketing, vraiment purement, j'ai envie de dire, pragmatique, est bien trop liée à la critique par rapport aux autres domaines artistiques, comme la peinture, etc. On a l'image, du moins, d'une critique plus indépendante, comme ce que Vuillermoz semblait vouloir insuffler. D'ailleurs, par rapport à ça, dans l'article, il m'était venu quelque chose, c'est que j'avais écrit ça, et ça rentre, je pense, dans ce que tu dis, Théo, mais dis-moi si je me trompe. Donc, le critique de jeux vidéo, il pourrait très bien être le verbe d'une remise en question de la communication devenue information dans le beau monde diplomatique dans lequel nous sommes, mais le journalisme de jeux vidéo préfère être les valeurs actuelles d'une société de consommation, cela qu'il soit à l'écrit ou en vidéo. Alors déjà, tu as dit valeurs actuelles, c'est un point de plus. Bah oui, oui, tout à fait. Mais typiquement, par rapport à ça, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est dans l'ABCDR, qui est une suite de vidéos qu'il a fait, qui est sortie à titre posthume, le philosophe Gilles Deleuze dit que ce qui l'effraie le plus, c'est que les publicitaires et le langage de la communication, c'est arroger le vocabulaire philosophique et ils s'en sortent très bien. Et dans le fond, dans la critique, c'est quelque chose qui s'est vachement ressenti à tous les étages, et y compris dans la critique de l'art contemporain, qui est peut-être la critique la plus théoriquement, on va dire, extrême. Mais justement parce que c'est cet excès de théorie, on va dire, ou cette théorie constante et cette production de sens qui est faite, qui permet de vendre les œuvres. Parce que si on fait pas ça, on a juste un tableau avec beaucoup de peinture dessus, et voilà quoi. C'est l'objet en lui-même n'aurait pas grand intérêt si on lui avait pas donné à la base. Et dans le jeu vidéo, le mode de consommation ne nécessite pas. Nécessairement, en tout cas, enfin, ne nécessite pas cette production de sens. Et justement, c'est un petit peu toute l'ambiguïté du jeu vidéo, c'est de savoir si le sens profond du jeu vidéo peut se permettre de ressortir à la surface de manière conséquente. Ce qui est le cas de plein de jeux, effectivement. Et de toute façon, si tu lis une critique de Death Stranding ou si tu lis une critique de Disco Elysium, pour parler de jeux qui sont sortis un petit peu récemment, forcément, tu vas tomber sur beaucoup plus de critiques qui n'ont pas de notes et beaucoup plus de critiques qui sont longues, réfléchies, posées. Parce que le jeu lui-même décide, dans sa façon d'être produit aussi, de comment est-ce qu'il va être réceptionné. Là, tu parlais de Death Stranding et j'ai un exemple. Dans un GKL émission qui parlait justement de Death Stranding, dans cette espèce de production de sens dont tu parles, Théo, il y avait un espèce d'écueil, en fait, dans la critique. C'était que ce n'était qu'un... On jetait, en fait, des thématiques, des trucs philosophiques, comme ça, mais jamais on ne critiquait, par exemple, cette idée philosophique. Mmh. Alors, déjà, hormis que le testeur ramait à expliquer Death Stranding, à le pitcher, mais en plus, il a jeté plein de trucs en disant ça parle de la mort, ça parle du lien, etc. Très bien, mais développe dans ta critique comment ça se fait que ça parle de la mort, quelle idée il y a d'intéressante dedans, sachant qu'il y en aurait plein à développer d'ailleurs dessus. En fait, les idées étaient lancées et pas développées. Alors, d'un côté, ça montre qu'il y a, je pense, par rapport à ce que vous disiez, messieurs, qu'il y a un intérêt chez les joueurs d'essayer d'aller plus loin, mais de l'autre, on reste totalement en surface, on jette des idées qui seront très vite répétées et en fait pas forcément argumentées derrière. Je pense qu'encore une fois, est-ce que le médium de critique jeux vidéo, tu vois, le but c'est quand même que les lecteurs ils s'emmerdent pas aussi. Et d'un point de vue comme ça, est-ce que la ligne éditoriale de commencer à analyser un peu plus en profondeur les concepts philosophiques, toi, ça t'intéresse, mais est-ce que ça intéresserait l'ensemble des gens qui consomment le média de manière générale? C'est un peu une prise de risque, quoi. Il peut y avoir une façon différente de le faire. Par exemple, JV Le Mag, je trouve qu'ils y arrivent très bien. Ils ont des tests, des critiques qui sont assez courtes, Mais ils arrivent tout de même à poser une bonne question et en 2-3 lignes, essayer de développer quelque chose. Donc, en plus, ils ont plusieurs rubriques qui développent certains points d'intérêt du jeu. Et puis, c'est vrai que sans doute que la majorité des joueurs ne s'intéressent pas ou peu à ce genre de questions, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut quand même pas essayer. Bon, moi, là, parce que si on n'essaye pas, ça ne pourra pas exister. De notre côté. Enfin, bon, là, ça commence à être tautologique, tu vois. Mais quand tu t'inscris dans des logiques économiques, t'as pas vraiment envie d'essayer. Ouais, mais tu vois. Et par exemple, ce que disait Villarmeau, c'est que sa critique devait aller au-delà de sa logique économique et il a fondé la critique moderne de cinéma. Moi, tu vois, la question qui me vient, c'est que si on parle de la presse jeux vidéo ou en tout cas des sites, ils sont encore très dépendants de l'industrie. Qui décident de jouer le jeu, de leur faire parvenir les jeux en physique ou des codes en avance pour qu'ils puissent faire les tests, etc. Mais on sait que de plus en plus, les éditeurs ou autres commencent à se détourner petit à petit. Enfin, ils investissent largement les réseaux sociaux, les plateformes comme YouTube, les influenceurs. Il y a une interview d'un employé de Microsoft dans la branche Xbox, dans la chaîne YouTube Un Drop dans la Mare. Où la personne, je crois, qu'elle gère tout le côté indépendant par rapport à la ligne éditoriale de Microsoft. Et vers la fin de l'interview, il dit bien que, bon, maintenant, le test, de plus en plus, ça commence à perdre de l'importance pour eux. On a déjà vu, alors je ne sais plus pour quel cas, je crois que c'était pour The Last of Us, un journaliste américain qui avait commencé un peu à pleurnicher sur les réseaux sociaux parce que Sony ne leur avait pas envoyé la copie du jeu et qu'il allait devoir l'acheter lui pour pouvoir faire le test. Si jamais l'industrie dit « Bon, ben maintenant, votre média nous intéresse quasiment plus, donc on ne joue plus ce jeu-là », que vont devenir les sites? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont devoir acheter tous les jeux qui sont censés tester? Est-ce qu'ils auront le budget? Est-ce qu'on continuera à les lire ou à les écouter quand l'industrie aura largement supplanté leur action avec des amateurs sur YouTube? Est-ce que justement leur salut ne pourrait pas venir de cette dimension-là, autre, cette dimension un petit peu plus analytique, qui les différencierait d'un joueur qui fait un stream et qui promeut le jeu en même temps? Tu viens de dire le mot magique, là, dont on n'a pas encore parlé, c'est le mot amateur. Et c'est là, on va y venir justement, messieurs de sacre de l'amateur. Je sens que Victor, ça te brûlait les lèvres. Yes. Putain, c'est pas gentil de spoiler comme ça. On va y venir. Alors, la critique, on n'a pas abordé aussi une chose qui était dans la question, c'est manque-t-elle de style dans ses tournures de phrases? Pourquoi pas? Ce sacre de l'amateur va-t-il remplacer, pourquoi pas, la critique de jeux vidéo? Mais ça sera évidemment après la pause musicale. Et la pause musicale, eh bien, ça sera Michael Jackson avec Leave Me Alone. Et on se retrouve juste après ça. Et donc nous sommes de retour après cette pause musicale par Michael Jackson avec Leave Me Alone. Nous nous étions arrêtés donc avec la question, tout d'abord, est-ce que la critique de jeux vidéo ne manquerait pas de style dans son écriture, dans ses belles formulations? Quelque chose par exemple qu'on retrouve le style dans JV Le Mag, notamment avec le journaliste Yann François. Alors je vais vous lire juste un court extrait, c'est dans JV Le Mag numéro 39, qui lui portait sur la science-fiction, et c'est un extrait de sa critique sur Torment of Tides of Numenera. Alors, et voici ce qu'il dit. Cette chute, celle de notre corps slash avatar sur le 9e monde, un multivers situé 1 milliard d'années après notre ère. Tout au long de cette chute, les premiers textes et les questions se bousculent pour forger les traits de notre future héroïne slash héros et suspendent le moment de l'atterrissage à cette écriture génitrice. Dès son amorce, le jeu placarde son parti pris. Toute action, aussi frénétique qu'elle soit, restera soumise à la régence du texte. Évidemment, de cette revendication peut naître un rejet immédiat pour quiconque reste allergique à une lecture patiente et omniprésente dans un jeu vidéo. À l'ère où le média érige le visuel et l'émotion épidermique en norme pour nous raconter ses histoires, Torment ressemble à un vieux punk qui, majeur dressé à la bienséance, ne décollera pas de son squat indé. Un punk des plus lettrés qui préférera toujours reporter son action aux calances grecques, entre parenthèses, on peut jouer 2 heures sans combattre, fermez la parenthèse, ou la détérioraliser vers l'abstraction pure. C'était juste un petit exemple. Mais on essaie de retrouver en fait cette volonté d'essayer de donner un plaisir au lecteur, d'avoir un style littéraire, parce qu'on fait de la littérature à partir du moment qu'on écrit, de chercher de nouvelles formulations, de chercher des synonymes par rapport à des mots qu'on utilise chaque jour. Et ça rentre encore une fois dans, déjà, bon, ce que faisait forcément Zola et aussi Baudelaire, parce que donner un horizon au lecteur qui lit la critique, c'est aussi, pourquoi pas, lui donner un horizon par ce que nous écrivons, par les tournures de phrases, histoire que eh bien, le lecteur sorte de son quotidien. Si par exemple il n'a pas l'habitude de lire, eh bien, effectivement, on a une tournure de phrase qui peut faire plaisir, etc. etc. Bah, moi, perso, je suis blasé, hein, je crois. Je crois pas. Enfin, en fait, pour moi, tout est lié, tout est connecté. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on disait que c'était difficile de faire une critique de Monster Hunter parce que bah, il fallait jouer pas mal. Sauf que maintenant, on est en mode. Enfin, comme on a dit, les jeux, c'est une bonne industrie culturelle et ça, il y a un gros turnover, on va dire quoi. On achète. Non, alors, on ça, achète. Je pense que c'est une fausse excuse. Parce que encore une fois, pour la critique ciné et pour la critique de la peinture, il y avait en quelque sorte soit l'académisme, soit l'industrie qui était déjà très présente, et ça n'a pas empêché des auteurs de continuer contre vents et marées à affirmer leur critique, et par la suite, ils ont été, on va dire, des fondateurs de discursivité. Ils ont dit. Enfin, ils ont ouvert le champ à une autre critique que celle qui se faisait, ou alors contre les comptes rendus de l'industrie. Ouais, mais... Donc, je pense que c'est une fausse excuse parce que ça existe. C'est là. Il suffit juste de vouloir le faire à un moment. Mais justement, pour moi, les gens, ils veulent pas. C'est ça le... c'est ça le... Enfin, tu vois, on arrive à un stade où jouer à un jeu, ça demande de l'investissement. À chaque fois, il y en a qui sortent dans tous les sens, tu vois. On est sur une mode de la bibliothèque Steam qui est remplie, et du coup, on a... Enfin, limite, presque une analyse en détail, ça ne nous intéresse pas, du jeu. On veut surtout... C'est pas une analyse, une critique. Et une critique... oui, mais même pas une critique, hein. Juste une analyse en détail, pour moi, c'est trop complet pour que les gens s'y intéressent. Et si on commence à se lancer dans un nouveau style... d'écriture et tout, je pense que c'est pas les attentes et pas le délire mais, des mais, gens. Mais toi, parce que là, t'as la vision du « il faut forcément plaire au plus grand nombre ». Mais parfois, juste en plaisant à une niche, cette niche se diffuse et devient le plus grand nombre. Ouais, une contre-culture, ouais, ouais. Si tu pars du principe qu'il faut tout de suite plaire au plus grand nombre, tu aseptises absolument tout. D'ailleurs, je trouve que c'est très d'actualité. Tu aseptises tout et tu ne fais plus rien. Mais pour moi, c'est ce qui se passe dans le... Oui, dans c'est ce qui se passe. Mais peut-être ce que disaient aussi Théo et Flo, dites-moi si je déforme vos propos, mais c'est que ce manque-là, on peut le pallier, mais il faut que ces auteurs s'en saisissent. Parce que sinon, on va arriver, alors là, je vais te laisser développer, au fait que, est-ce que la critique n'est pas finalement une éternelle adolescente? Parce que si elle continue aussi ainsi, eh bien, l'amateur, on va dire, celui qui fait ses vidéos sur YouTube, va prendre complètement sa place. Donc là, je crois que Victor, tu avais quelque chose à nous dire dessus. Tout à fait, oui. Bah, du coup, je sais pas si tu l'as, si t'as fait un peu sur Patrice Fichy ou pas. Tu nous parce en as parlé, mais c'était il y a longtemps. T'as spoilé un peu. Ah, d'accord. Ok. Parce que vas-y, réexplique. Ce qui est intéressant, en gros, dans son livre, c'est par rapport à Internet, principalement par rapport à Internet, aux sphères de fans et aux communautés, quoi, que l'avènement d'Internet avec YouTube et tout, bah, ça a entraîné un peu une vision horizontale, tu vois, des critiques ou des productions de contenu de manière générale, où en gros tout le monde s'est dit telle personne elle fait des films, bah moi je vais faire pareil sur YouTube, pourquoi moi je ferais pas des films aussi, voilà. Déjà c'est ce premier constat, quoi, c'est le développement un peu des pratiques amateuristes, des communautés de fans et tout. Et la deuxième répercussion, c'est que ces communautés, enfin, et ces amateurs ont fini par avoir un peu d'importance. Et en gros, on arrive à une image aussi, non seulement de l'importance, mais une image, tu vois, du truc fait maison qui est cool, tu vois, qui est attirante. Et du coup, on arrive à deux phénomènes. On arrive à des professionnels qui essaient de faire genre c'est des amateurs. Je pense un peu à Noob, du coup, à la fin. La fin de Noob, pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est des pros avec un énorme budget qui font genre ils sont toujours aussi nuls. Et donc d'un côté, il y a ça, les pros en mode qui essaient de faire comme s'ils faisaient du fait maison alors que c'est un peu plus bétonné, quoi. Et d'un autre côté, des amateurs qui veulent jouer au grand. Qui veulent être en mode ouais, moi aussi, moi aussi je suis un vrai cinéaste, moi aussi je suis un vrai musicien, et donc qui cherchent un peu désespérément à la professionnalisation, des fois en ayant des pratiques commerciales un peu agressives, et qui souvent cherchent désespérément à être payés, quoi, pour légitimer un peu leur statut. Leur statut de vrai professionnel, enfin pas forcément professionnel, mais de vrai cinéaste, par exemple, on pourrait garder comme exemple. En mode, ouais, j'ai été payé par tel machin pour faire ça, regardez, je suis un vrai cinéaste, autant que celui français, dans ce délire-là. Du coup, voilà, c'est ces deux forces qui se battent un peu et qui essaient de se faire passer un peu pour ceux qu'elles ne sont pas. Alors peut-être que l'illusion de l'amateur aussi est en train de se fissurer d'un côté, parce qu'on se rend compte que certains de vidéastes sont autant financés par l'industrie que la presse plus spécialisée. Leur force à eux, c'est qu'ils brisent le quatrième mur, donc ils parlent face caméra, ils disent « tu » au spectateur, ou alors en le regardant droit dans l'objectif de la caméra pour singer « je regarde le spectateur dans les yeux », ils disent « vous ». Mais je pense que ce côté-là commence à se fissurer. Mais par contre, tu as dit un truc intéressant, c'est effectivement ces professionnels-là qui, comment dire, se donnent un côté adolescent quand on voit que certains plateaux d'émissions sur les jeux vidéo, par exemple, sont remplis de goodies. Pour faire, on est jeune, on est dynamique, on reste un peu en enfance, du moins, c'est l'impression que ça me donne. Mais finalement... Autant jouer la carte de la différence à fond si on veut exister, non? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, je pense qu'il y a l'histoire d'identité aussi. Nous, on est un peu la queue de comète de la génération Y. Et cette génération, c'est quand même très largement inspirée, enfin, c'est très largement identifiée, comme tu dis, à une certaine forme de consommation, à une certaine forme de façon d'être qui repose essentiellement sur des codes culturels particuliers, qui sont des codes qui, au départ, pouvaient être considérés comme de la contre-culture. On pourrait parler de Star Wars, des goodies de Star Wars, etc. Et du jeu vidéo en général, qui, de toute façon, à la base, est quand même une contre-culture au départ. Mais c'est une contre-culture qui, justement, se démarque par le fait qu'elle est avant tout due à un processus de consommation massif. Le jeu vidéo, au départ, n'est pas un produit confidentiel. Il a toujours été un produit d'industrie très, très fort, par définition, puisque au départ, et c'est justement ce qu'il y a de nouveau dans la situation, quelque part, c'est qu'on ne peut pas produire un jeu vidéo tout seul dans son. Dans son appartement, quoi. Au départ, il faut une structure industrielle pour le faire, ce qui est vrai du cinéma dans les premiers temps. Donc C'est-à-dire, parce qu'on a quand même des jeux qui ont été créés par le petit gars du coin dans son garage ou son appartement. bien sûr, maintenant c'est même très facile. Je dis qu'au départ, la production de jeux vidéo est d'abord une logique industrielle. Et c'est quelque chose qui change. Typiquement, comme la vidéo en général. Au départ, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu entends vraiment par production industrielle? Parce qu'on a par exemple Frédéric Reynal, qui a fait son Alone in the Dark quasiment tout seul. On retrouve par exemple le premier Prince of Persia qui a été fait tout seul par Jordan Mechner, si je ne dis pas de bêtises. On a toujours ces personnes-là qui ont, dans les débuts du jeu vidéo, qui ont fait des jeux tout seuls. Mais par contre, la force de l'industrie est venue lors de la distribution du jeu. Oui, au minimum, de toute façon, ça vient au moment de la distribution. De toute façon, les équipes de production de jeux vidéo peuvent pas être non plus ultra conséquentes. Tu peux pas, ça ressemble pas à une équipe de production de film, par exemple. Mais on est quand même sur, au départ, un processus qui demande au moins un matériel technologique conséquent. C'est déjà ça qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, c'est plutôt le cas, puisqu'on ne peut pas considérer un ordinateur tout seul comme un produit conséquent, mais au départ, il y a une logique industrielle et il y a surtout une culture de la consommation particulière qui est au fondement de notre identité, si je puis dire, de la génération Y. Et dans cette particularité, ce qui est nouveau, par exemple, dans la critique, c'est qu'il faut montrer souvent qu'avant tout, on est un amateur du produit et d'un certain type de consommation. Et ça, c'est vachement important. Et typiquement, si des gens qui sont extrêmement, qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, essayent d'être amateurs et de copier cette esthétique, c'est que justement, c'est une esthétique qui porte ces valeurs-là d'un certain mode de consommation, des goodies, des t-shirts à l'effigie des licences qu'on aime bien. L'important, justement, c'est dans cette attitude que l'analyse et le propos qu'on va avoir sur l'œuvre est rarement un propos qui vise à quelque chose d'important et de prétentieux. Généralement, il faut montrer qu'on a une approche qui est fun elle-même, en quelque sorte, qui déjà dit que bon, on est quand même là pour s'amuser, on va pas parler du grand art ou de quelque chose comme ça. On a cette attitude par défaut, si je puis dire. Et dans cette attitude, ça devient assez difficile de faire valoir une autre approche, même si je pense que on est quand même en demande de ça, en partie, quand on commence à se poser des questions et quand on commence à faire des revirements d'opinion assez massifs. Typiquement, le climat politique actuel. Alors, on peut être focalisé sur des questions d'antiracisme et de. On a déjà parlé, mais de genre et de féminisme, ce qui va un peu de soi maintenant, je pense. Mais de toute façon, nos opinions ne peuvent que faire des revirements dans un contexte comme celui-là, et donc on a une légère demande aussi bien de produits qui changent de ce mode d'appréciation-là que d'une critique qui change de ce mode d'appréciation-là. D'accord, donc le fait que pour toi, la critique reste un éternel adolescent vient du fait que du mode de consommation et d'identité dans laquelle elle baigne. Il y a ça, il y a autre chose, mais il y a ça. L'autre truc qui m'intéresse, c'est plutôt sur la critique en général, sur ce que c'est qu'un critique, et enfin, on en a déjà de toute façon parlé, mais typiquement, par exemple, tu trouves chez quelqu'un comme Huysmans, qui est un auteur prolifique, mais aussi un grand critique d'art, tu trouves l'idée qu'il faut être en soi un artiste, il faut déjà être un créateur pour être critique. Si tu n'es que critique, ça n'a pas d'intérêt. Bon, lui est écrivain, donc ça a quand même du sens, si on veut. Et c'est ce que tu disais, de toute façon, quand tu écris, quand tu fais une critique, tu es écrivain d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est un peu de ça qu'il s'agit aussi. C'est-à-dire que la critique a cette espèce de complexe, au départ, de n'être que le côté récepteur, si on peut dire, de l'œuvre, et pas un effort de création qui accompagne l'œuvre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'est pas le cas dans tous les cas de figure, on va dire. Mais c'est une particularité moderne d'avoir aussi bien mis à distance la pratique de l'écriture comme une forme de création à part entière que le fait qu'on a quand même beaucoup brouillé les frontières et que typiquement, quelqu'un qui fait une vidéo sur YouTube en réponse à une œuvre, on va dire, il produit quelque chose sur le marché. Il a une forme d'interaction sur un marché global, sur l'industrie culturelle. Donc, il participe pas forcément à un effort de création, quoi qu'on puisse le faire valoir. Et si on regarde les critiques de cinéma aujourd'hui, beaucoup font des efforts justement de mise en forme assez conséquents pour être une forme de création légitime. Mais l'essentiel, c'est surtout que la critique participe à la vie de l'industrie culturelle en général, et donc qu'elle est traitée parfois comme une production de discours, mais du coup, la production de discours, c'est une production économique, tout simplement. Donc à la fois, on a la pratique de l'écriture qui est trivialisée, on va dire, et de l'autre côté, une critique, c'est toujours une participation à l'industrie culturelle qui se déroule à peu près comme une œuvre. En réponse à une œuvre, certes, mais qui agit avec elle comme une sorte de symbiote qui se rajoute à la chose, comme un petit requin, comme les petits requins, enfin les petits poissons qui sont des parasites des gros requins. Et dans ce, alors je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, messieurs, mais dans cette espèce de complexe d'éternel adolescent de la critique, je trouve qu'il y a, déjà, on a vu, on a les soucis de connivence avec l'industrie. Par exemple, on peut soupçonner que jeuxvideo.com cherche à être en bon terme quand même avec EA Games, notamment avec son 14 sur 20 pour le dernier jeu Madden, donc sur le football américain, alors qu'il semblerait que ce soit l'un des pires jeux de EA Games parce que énormément buggé. Et d'ailleurs, l'ancien président de jeuxvideo.com et l'ancien présentateur des Let's Play de jeuxvideo.com, Franck, l'ont dit dans plusieurs interviews que jeuxvideo.com cherche à être en bon terme, généralement avec les éditeurs, c'est ce que nous disions. Mais il y a aussi, d'ailleurs, je vois cette espèce... Oui, pardon. Juste en seconde, c'est... chez Shoney, qui s'amuse souvent à citer les tests, il montre en plus souvent la contradiction entre ce qui est écrit dans le texte, et la note, et le résumé des points positifs, des points négatifs, qui sont souvent à l'opposé. Et ça donne toujours l'impression que voilà, l'éditeur, lui, ne va regarder que la note, et de toute façon, c'est ce qui sera agrégé sur Metacritic, et eux ne s'intéressent que sur Metacritic. Et par contre, le texte, lui, a l'air d'être un petit peu plus honnête. Et du coup, moi, à chaque fois que je tombe sur ce genre de choses, je me dis, ouais, ils ont essayé de répondre aux deux exigences. Tu vois, essayer d'avoir un test qui est à peu près honnête, et à la fois d'être dans la complaisance avec l'éditeur. Tu vois. Honnête, quand ça ne ressemble pas à une notice de machine à laver, parfois. que j'ai lu le test de Outer Worlds. T'aurais pu remplacer Outer Worlds par n'importe quel truc. Bon, bref, c'était une notice. Mais enfin, dans ce côté adolescent aussi, alors on en a déjà parlé, mais c'était il y a très longtemps, de ce fameux 21 sur 20 pour Red Dead Redemption 2. Ça me fait penser vraiment... Enfin, bon, déjà, comment gagner en légitimité quand tu ne respectes même pas ta propre notation ? Quand tout le monde fait du 21 sur 20 et d'autres leur met, lui met 22 sur 20. Et ça fait quelque chose comme cette espèce d'adolescent qui veut montrer que son jouet est super chouette en faisant toujours des caisses. Et à la fin, ça perd en crédibilité. Ouais, ça, ou de se poser comme le prophète qui sait que voilà, ça, c'est le jeu de l'année, mais c'est même pas le jeu de l'année, c'est le jeu de la décennie, c'est le jeu historique, tu vois. Des fois, ça va dans la surenchère en disant là, on est en train de vivre une étape importante de l'histoire du jeu vidéo. Forcé de reconnaître que Red Dead 2 en 2020, tout le monde s'en fout. on n'en parle plus. Dark Souls, on continue à en parler. Red Dead 2, on n'en parle plus. Après, c'est un peu ce que disait Théo au final tout à l'heure, en mode c'est un peu aussi une volonté des critiques d'adhérer un peu aux communautés de fans et peut-être un peu de satisfaire ces communautés de fans en essayant d'en faire partie, quoi. Ouais. Regardez, on est comme vous, on a trop kiffé Red Dead. Mais clairement, qu'il y a de ça. Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est un sentiment d'appartenance, c'est un sentiment d'identité globale. Les critiques ont vécu Red Dead, je pense, sans hypocrisie, hein, avec le même entrain que tout le reste de la planète à ce moment-là, quoi. C'est un bloc uni dans la réception. Comme quoi la communication de l'éditeur a bien marché, ce dont nous disions tout à l'heure. Pourquoi il n'y a... Alors, je crois que c'est Gamekult qui a été un peu plus, justement, au niveau de ce jeu, en retrait, en disant que ce n'était pas forcément le jeu de la décennie, si je ne dis pas de bêtises. Bref, alors avec tout ça, où l'on peut se poser la question du sérieux, on va dire, parce que ce retour à la puérilité, si j'ai envie de dire, sauf si vous n'êtes pas d'accord, messieurs, dans la présentation de la critique, dans toujours vouloir être on est trop bien, on est trop cool, on est trop dynamique. Avec tout ce que nous venons de dire, ces soupçons de connivence avec l'industrie du jeu vidéo, ce manque parfois de style d'écriture, comment dire, on n'a pas envie de faire des critiques mieux écrites. Alors que la critique ou ce test du jeu vidéo qui renvoie plutôt à une idée de notice, finalement, de notice pour un micro-ondes, alors que justement, normalement, ce test descend quand même d'une dynastie de la critique des salons, des salons de peinture, de sculpture, ou alors cinématographique, où on a souvent essayé de faire valoir les petits, et parfois avec une plume véhémente pour Zola, ou alors comme tu l'as dit Théo avec Baudelaire, qui a dit que la critique devait ouvrir un horizon, c'est ça si je ne dis pas de bêtises ? L'horizon le plus grand possible. Voilà, le plus grand possible. Donc ça passe à mon sens aussi par les lettres, mais aussi par ce qu'on dit sur l'œuvre. Revenons maintenant à la critique, à la question qui a été posée sur ce podcast. La critique de jeu vidéo, le test du jeu vidéo, est-il vraiment une critique ? Silence de mort dans la salle. Des fois oui, des fois non. Après, je sais pas, peut-être on n'a pas beaucoup développé le côté amateur, justement, maintenant qui ressort en mode... bon, on voit que le côté institutionnel, le côté économique, il n'est pas très... Il n'est pas très performant dans les critiques ou même dans les analyses tout court. Et je ne sais pas vous, mais moi du coup j'ai plus tendance à voir un peu le point de vue des gens, par exemple sur Sens Critique, un site internet de review de critiques, ou sur d'autres sites du même genre pour voir un peu ce que les gens en pensent et pour justement, comme tu disais tout à l'heure, Florentin, et essayer de trouver un style un peu plus littéraire, tu vois. Littéraire avec, comme on a dit, une appréciation un peu plus globale de l'objet. Et donc, ouais, moi perso, dans ma consommation, je trouve que les reviews que se font les gens entre eux, je les trouve de plus en plus pertinentes. Et je trouve qu'elles font de plus en plus une bonne réponse par rapport à ce qu'on appelle les critiques dans le jeu vidéo. Et donc, avec cette fameuse fausse question que tu nous as posée à l'instant. Alors, c'est volontairement provoquant, la question, justement. C'est pour le débat. Moi, je dirais, ça dépend ce que tu veux y mettre derrière ce mot de critique. Si jamais tu y mets juste l'idée de guide d'achat, de prescripteur, je pense que la critique du jeu vidéo remplit très bien en fait cette fonction-là. Par contre, si tu souhaites y mettre ce que nous on appelle un peu quand même durant tout le podcast, c'est-à-dire avoir un discours qui va au-delà de ça, un discours qui peut nourrir la réflexion théorique sur le jeu vidéo, là je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et personnellement, enfin moi, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais, que ça se développe de plus en plus, ne serait-ce que pour avoir un autre discours que un discours qui est assez bien répandu actuellement. Enfin, il y a Lusty nous régale beaucoup dans ses vidéos de commentaires sur des articles écrits sur des journaux en ligne qui se proposent d'analyser le jeu vidéo. Alors souvent, c'est l'analyse des représentations genrées ou autres. Qui se contente d'être juste en fait en regard premier degré d'une œuvre, sans mise en lien avec vraiment un propos un petit peu plus large, géopolitique. Enfin bon, souvent ça perd en pertinence. Mais il y a même des fois des choses qui sont, qui pour moi n'ont que peu de valeur. Et notamment, il y a eu pas mal d'articles sur le jeu Ghost of Tsushima qui beaucoup de journalistes ont crié à la réappropriation culturelle comme quelque chose de très négatif, et en fait ils se sont créés un faux problème, puisque on sait qu'au Japon le jeu a connu c'est plutôt bien vendu. Dans Gaijin Dash, ils reviennent largement sur la réception au Japon du jeu, avec des témoignages que Greg et Kamui, qui sont les deux intervenants, ont pu recueillir auprès de connaissances qu'ils ont eux là-bas. Et le jeu n'a pas fait scandale. Alors que tu lis des articles américains, tu as l'impression que le jeu va être un cataclysme au Japon, alors que pas du tout, c'était complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, c'est aussi le directeur artistique de Silent Hill, Masahiro Ito, qui est très actif sur Twitter, qui a plutôt salué le jeu. Ouais, même le. Alors, je sais plus si les game designers ou si les producteurs Nagoshi, une des grosses têtes de la série Yakuza, qui est largement revenu sur un stream et qui a donné son avis et qui était plutôt élogieux et plutôt intéressant. Et donc, il faut se rendre compte qu'aussi, dans la petite dimension un peu, on analyse ou on parle du jeu vidéo, il y a tout ce courant-là qui est souvent peu pertinent. Et moi, à chaque fois que je suis confronté à ça, j'ai une sorte de malaise, parce que souvent les gens créent des problèmes que le jeu n'a pas, et j'ai souvent l'impression que les mecs en fait parlent plus d'eux que de l'œuvre. En fait, ils parlent d'eux à travers une œuvre, et surtout tu vois bien que le point premier qu'ils essayent de faire, c'est de s'acheter une morale, parce que tu sens bien qu'avec Ghost of Tsushima, les mecs se sont dit, si la cancel culture s'en saisit, et si jamais t'as pas été là avant en disant « Ouais, ce jeu est une insulte envers le Japon », si la cancel culture se saisit de Ghost of Tsushima pour ce sujet-là, tous les gens qui n'ont ne serait-ce que soit qui sont allés dans le sens du jeu ou qui n'ont pas dénoncé ça, auraient été cancel avec. Et moi, vraiment, la seule moyen que j'ai pu recevoir ce genre d'article-là, je me suis dit « Le mec s'achète une morale pour que, si jamais la cancel culture s'en saisit, les mecs pourront le brandir comme un étendard en disant « Regardez, lui, il avait compris que ce jeu était mauvais et du coup, il faut le cancel. » Et ce discours-là, je suis désolé. Moi, je le trouve pas pertinent, pas intéressant. Et avoir une critique pourrait proposer un autre discours et qui pourrait être un petit peu plus intéressant. Tu vois. Dans ce cas précis, je pense que les choses sont un petit peu plus complexe, même si ce que j'ai pu en lire n'était pas effectivement très brillant, mais pour des raisons que, tout simplement, quand tu fais une critique qui est dans l'objet de réévaluer le système de représentation d'une œuvre vis-à-vis de quelque chose comme une représentation culturelle, racisée, etc., Il faut être un minimum, comment dire, dans une certaine forme d'exigence envers soi-même quand tu es en train de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut être un minimum sérieux, il faut savoir de quoi tu parles, enfin. Ouais. Et puis surtout, il faut, comment dire, un certain niveau dans un combat politique. Est-ce que l'essentiel du combat politique, c'est la représentation dans les œuvres? Pas forcément. Il faut avoir un sens des priorités. Mais si c'est le cas, eh bien, il faut en reconnaître et en faire valoir l'importance. Parce que moi, je ne suis pas du tout. Enfin, je pense au contraire même que que ça reste souvent une brillante idée quand même de réévaluer absolument le système de représentation des œuvres. Mais absolument. Pour moi, le cœur du problème, et ça rejoint le cœur du problème de ce qu'on discute, c'est-à-dire le problème de la critique et du test, pour moi, la critique, l'objet critique moderne se situe dans un espace qu'on pourrait appeler un devenir théorie. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une théorie globale de l'objet que tu décris, qui, de toute façon, un jeu vidéo, ça permet de faire la théorie du jeu vidéo à partir de celui-là précisément, qui en est un exemple, quoi, un cas particulier. C'est pas forcément une théorie complète, mais une critique va toujours avoir une certaine tendance à faire évoluer la théorie globale de cet objet dans une direction. Les critiques qui sont faites à partir d'idéaux politiques, finalement, sont des critiques qui devraient faire valoir une évolution de la théorie globale politique et de la théorie globale du médium que tu es en train de critiquer. Puisque l'objectif, c'est quand même ça, c'est de faire évoluer le médium. Oui, tout à fait. Or, la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Et c'est vrai aussi bien des tests. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on applique des canons, on applique des manuels d'évaluation. On dit ça, c'est bien, ça, c'est mal, pour des raisons qui sont considérées comme évidentes. Et on écrit sa critique comme ça. Si on faisait valoir quelque chose de beaucoup plus subjectif, en fait, c'est-à-dire qu'on faisait valoir véritablement l'expérience que ça nous a procurée, qu'on pouvait décrire cette expérience en long, en large et en travers, en expliquant d'abord, avant tout, quelle est l'expérience en particulier qu'on a faite avec ce jeu, là, on aurait une critique vachement plus complète. Et on pourrait faire quelque chose, on peut faire quelque chose d'incendiaire et de révolutionnaire, etc., à partir de cette subjectivité. Ouais. Mais c'est quand même pas évident. Mais justement, tu as mis le point, parce que je suis d'accord avec toi, pour ce genre d'article pourrait être plus intéressant si les gens qui les écrivaient s'imposaient cette rigueur et ce sérieux et de se dire bon, oui, je vais aller sur ce terrain-là, mais je peux pas y aller sans armes, enfin sans référence, sans bien peser mon argumentaire. Et justement, c'est la question que je pose, c'est est-ce que ce vide qu'on a d'une critique qui se veut un petit peu plus universitaire, un petit peu plus élaborée, pour moi, comme il y a ce vide-là, les gens qui écrivent de ce genre d'articles ne peuvent pas s'imposer cette rigueur-là. En fait, ils n'ont pas un autre discours à partir duquel s'évaluer. Comme il n'y a qu'eux qui écrivent, bon, ben, ça fait force. Alors que mon hypothèse, ce serait que si jamais on avait un autre discours, c'est-à-dire une critique qui serait, certes, beaucoup plus dans l'intellectualisation du jeu vidéo, mais ça permettrait au moins aux gens qui voudraient aller à vouloir traiter de points un petit peu plus sérieux dans le jeu vidéo, comme la politique, les représentations, de dire, bon, comme il y a cette critique-là qui existe, je ne peux pas me permettre de dire tout et n'importe quoi comme ça. Sinon, ben, de toute façon, je serai invalidé par justement cet autre discours. C'est la question que je pose. C'est juste, comme il n'existe pas ce discours-là, ou très peu, en mon sens, ça autorise des articles comme ça qui finalement sont déjà oubliés. Enfin, ils font sensation quand il y a encore l'émotion de la sortie du jeu, mais une fois que le jeu est sorti, qu'on l'a tous un peu oublié, ces articles-là ne font pas date, alors que normalement, ils devraient faire date. Si jamais ils étaient pertinents, on devrait en reparler ou les citer, parce que la personne a mis en forme, a mis en mots quelque chose d'important, elle a touché quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça ne peut se faire que s'il y a un deuxième discours qui lui aussi est sérieux, et tu te dis, bon, ben, à l'aune de ce discours-là, il faut que je réponde aux mêmes exigences. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je parle de la critique comme d'un espace particulier. C'est que, justement, une critique se tient un peu entre la théorie qui existe, hein, la théorie du jeu vidéo. Faut quand même le... Je veux dire, on a des game studies un peu partout dans le monde, il y a des papiers universitaires qui sont publiés constamment. C'est pas comme s'il n'existait pas de théorie. Mais cette théorie, elle n'existe pas dans l'espace, enfin, elle existe très peu dans l'espace de la critique, c'est-à-dire dans cet espace intermédiaire entre le manuel d'utilisation, le pouce bleu ou le pouce rouge, quoi, où, et donc il y a ça, et l'édification universitaire. La critique étant peut-être parfois un peu caricaturalement un compromis entre les deux où on dit pouce bleu parce que ça, mais essentiellement. Le problème se situe dans l'absence de ces particularités entre la théorie et l'approbation ou la désapprobation. Si on regarde des critiques qui font date, par exemple, bon, faudrait parler par exemple de la critique de François Truffaut, typiquement c'est une critique qui fait date parce que c'est presque un manifeste. Une critique qui est presque un manifeste. Bah là, tout de suite, ça a une certaine valeur parce qu'on a des propositions, on a un contre-modèle au moins, enfin, on a quelque chose. Et finalement, les critiques qui font date sont des critiques qui visent à faire date, finalement. Si tu donnes juste ton avis sur un objet, disant oui, c'est pas trop mal, parce que ça ressemble un peu à ça, et ça fait penser à ça, etc. C'est pas si intéressant que ça. Mais si tu te permet de parler du jeu vidéo dans son ensemble ou d'un médium dans son ensemble de toute façon, à partir de l'objet que tu étudies, ben là ça a quand même un minimum d'intérêt. Et c'est tout le problème des critiques modernes, si je puis dire, qui critiquent justement un aspect particulier du jeu, ce qui n'est pas super intéressant. Si tu critiques la représentation du personnage de Last of Us 2, personnage principal, dans la représentation d'une minorité sexuelle et d'une minorité identitaire, etc. C'est important, c'est intéressant. C'est quand même un peu, enfin, c'est un des sujets du jeu quand même. Mais tu n'as pas fait le tour du jeu si tu fais ça. T'as pas, et surtout, t'as pas fait valoir le fait que ça avait une importance systémique, que ça avait une importance, disons, constitutive du jeu. C'est ça qui est important quand tu fais ce genre de critique-là. Et dans Ghost of Tsushima, c'est faisable d'essayer de démontrer ça. Sauf que, ben, manifestement, l'identité japonaise n'a pas particulièrement été froissée par cette réappropriation culturelle par les Américains. Mais bon, la question de la critique à cet égard, et comme Baudelaire le disait tout à l'heure, hein, c'est une question politique. Nécessairement, de toute manière. De toute façon, c'est une question politique parce qu'une critique sérieuse, elle a des effets, pour ainsi dire, sur la façon dont on fait les choses. Elle devrait en avoir, en tout Alors, est-ce vraiment une critique? Oui ou non? cas. On s'impose, Bah moi, messieurs les ma députés. réponse est la même, ça dépend ce que tu mets derrière. Voilà. Si tu te contentes juste du guide d'achat, oui, on peut considérer ça comme une critique. Si t'en appelles à un au-delà juste du guide d'achat, non. Et moi, après, si tu veux ma position personnelle, moi, dans la critique, je voudrais qu'il y ait cet au-delà. Donc, pour moi, actuellement, ce n'est pas une critique. Ok, bah je pense qu'on est un peu du même avis, Florian. Voilà, si la critique pouvait aller dans cet au-delà, et comme l'a souligné Théo, avec ce manifeste de François Truffaut, qui a participé donc évidemment à la nouvelle vague dans les cahiers du cinéma, eh bien effectivement, la critique de jeux vidéo, qui se préfère d'ailleurs se nommer test, un déplacement intéressant, on l'a vu, eh bien a du souci à se Est-ce faire. qu'on peut juste terminer en mentionnant quand même des initiatives qui existent, qui sont intéressantes? Vas-y, vas-y. Bon, alors déjà, tu l'as amplement cité, JV le Mag, quand même, essaye d'apporter une approche intéressante. Il me semble. Voilà d'ailleurs dans sa... Attends, Ouais. excuse-moi vite fait, parce que dans sa ligne éditoriale, là j'ai les magazines sous les yeux, il parle plus de jeux vidéo à travers des dossiers ou alors cette rubrique que à chaque fois que j'ai un JV le Mag, je saute dessus. Elle est tenue par Yann François. Alors je vais vous retrouver le nom. Vue subjective, voilà. qui est très intéressant. Bah, d'ailleurs, c'est là où Yann François a d'ailleurs pu à un moment citer Roland Barthes. Et dedans, on essaye de développer un aspect intéressant du jeu. Par exemple, dans ce vue subjective sur Persona, eh bien, on parle un peu plus de la société japonaise et du fait que Persona 5 eh bien, développe une critique au vitriol, pour citer les mots, de la société japonaise. Donc, JV Le Mag se situe par rapport à la critique de jeux vidéo plus dans des dossiers. Et il y a après ces tests-là, mais qui sont plus courts que la moyenne, mais qui sont aussi intéressants et bien écrits, généralement. Après, j'ai pas encore lu, j'ai récupéré les numéros, mais il me semble que la revue Immersion a l'air d'être assez intéressante aussi, dans ce qu'elle propose. Mm-hmm. Tout à fait. Les bouquins en général de ce genre d'édition, parce qu'ils accordent toujours une partie qu'ils appellent analyse. Alors déjà, il y a la partie développement qui essaie de remettre en contexte le développement du jeu des séries. Mais ça c'est de l'analyse. Oui. Là, on essaie de se joindre à la partie critique. D'accord, mais ça, dans le peu qui existe, c'est déjà quand même une initiative, je trouve, à mentionner. Il me semble que la chaîne de Pierre aussi est assez intéressante. Donc, tous les liens seront dans la description, de toute façon. Un bot pourrait faire ça aussi. Il fait des vidéos pas mal. Qu'est-ce qui me vient là spontanément ? Pseudolès, des fois, je trouve, fait des critiques, des critiques intéressantes aussi. Voilà, dans les grandes lignes, je ne sais pas si vous avez d'autres références, vous. En termes de critiques, non. Non. Il y a peut-être Canard. Donc, je pense... Pardon. Non, Canard PC, quand même, c'est un nom... Alors, oui, effectivement, j'ai un peu plus de mal avec Canard PC. Enfin, j'ai pas plus de mal. Canard PC, ouais, vise une... Comment dire, je crois que c'est marqué dans leur truc, le mauvais goût, entre guillemets. Ah, oui, c'est dans le titre. Hein. Voilà. Mais il y a quand même un minimum d'exigence et il y a surtout un minimum de style, si on peut dire ça comme ça. Puisque les gens sont oui. Les chroniqueurs ou clients sont essentiellement recrutés pour leur qualité d'écriture et beaucoup moins sur leur expérience de jeu vidéo, si on peut dire. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Ouais. Eh bien, merci à vous, messieurs, d'être venus. Pour cette émission. Merci à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour rappel, De la manette au débat est disponible sur PodCloud et n'importe quelle application de podcast. Encore merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, restez critiques envers le pixel. Ciao. Ciao.